De la pure, pédicure, manicure sur les champs. Pute de nature, paye en nature. T'aimes les voitures, mais t'as jamais d'essence. Attendu comme le 6 du mois. RSA, RSA, RDM, comment rester simple. Je suis fait pour le bitume comme le RS5. On aime la fraîche, la vie, la vraie. On aime les fesses, les filles, les vraies. On aime l'ivresse, les tailles, les verres. Mathusalem, Belvédère. Carré vie pour les épaules. La beurette veut du mouette. Ramenez-lui un verre selecto. Merzouga, joue la Cohen. De la pure, de la cristalline. Triste fin comme le Titanic. Épiné là où tout commence. Orgemont là où tout se termine. La concu c'est fini, c'est classe. Vaut mieux avoir son petit gobelet. Perso que la plus grosse étasse. Sur l'aile de déco, fais la pute d'en face. L'aile de déco, fais la pute d'en face. L'aile de déco, fais la pute d'en face. Codéine, sortez les gobelets. Sous codéine comme à Chicago. Pour un bon KO, c'est le geste qui compte. Comme un vieux cadeau ou le geste d'un pont. Sous codéine comme à Chicago. Pour un bon KO, c'est le geste qui compte. Comme un vieux cadeau ou le geste d'un pont. Sous codéine comme à Chicago. Chica. Chicago, sous code in comme à Chica, sous code in comme à Chicago. Gobelet code in, gobelet code in, gobelet code in, gobelet code in. Passe le salam, une tonne 3, saisie à Charles de Gaulle. Qu'est-ce qu'ils sont chauds, les 6 gros de palame. Salade, carotte, banane. Vas-y, salope, galope, avale. Shit club, flash, ça monte sur palame. On se fâche pour un grec salade. L'Irak n'a pas trouvé les lettres, donc ils nous ont pendu Saddam. Toi t'es ronde, c'est ton mal-être. En le vrai, ton cul passe le salam. Rencontre sur l'ordi, normal que parfois entre nous Sam. T'as des gros boules dans tes clips, attends que j'appelle l'équipe à ça. Épiné, on vient de piner, et deviner. Maintenant on s'arrache, vous gilet, là comme la frappe la bonne, vous lui mettez un barge. Mais voilà cette année je vous arche, on est sur route, jamais au garage. Bruit de Marseille, ça sort la calache. Vis ta vie, pas la mienne, tu veux la même la putain de tasse. Gobelet, codéine, hein. Gobelet, codéine, hein. Gobelet, codéine, hein. Gobelet, codéine, gobelet, gobelet, codéine, hein. Gobelet, codéine, hein. Gobelet, codéine, hein. Gobelet, codéine. Sous codéine comme à Chicago. Pour un bon KO, c'est le geste qui compte. Comme un vieux cadeau ou le geste d'un pont. Sous codéine comme à Chicago. Pour un bon KO, c'est le geste qui compte. Comme un vieux cadeau ou le geste d'un pont. Sous codéine comme à Chicago. Chica, Chicago, sous code in comme à Chicago, gobelet code in.